Isanganiro. Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 12 novembre 2021. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur accuse les administratifs à la base en mairie de Bujumbura de ne pas encadrer la population dans les programmes prioritaires du gouvernement. Un mois après le transfert de certains commerçants du marché de Kotebu vers celui d'Ungagara, ces derniers se plaignent de travailler à perte puisque leurs clients préfèrent fréquenter celui de Kotebu, très achalandé. Et des rapatriés en commune et Provence et Rumonge ne sont pas contents du rythme d'exécution des jugements rendus par la Cour spéciale des terres et autres biens. Notre correspondant nous donnera une illustration. Et dans ce journal, on vous propose aussi les avis de certains auditeurs de notre station dans cette semaine dédiée au 19e anniversaire de la radio Isanganiro que vous écoutez. Le jour J, c'est le 18 novembre prochain. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Un homme a été retrouvé mort électrocuté le matin de ce vendredi sur le bord de la RN7 vers Moussaga, près de 100 mètres de la route Gasekeouye. Les témoins rencontrés sur le lieu du drame disent qu'il s'agissait d'un voleur d'objets d'installation électrique de la régie des eaux. Il a été immédiatement électrocuté la nuit de ce jeudi à vendredi. Son corps ne sera aperçu que lorsque les agents de la régie des eaux venaient s'enquérir de ce qui avait causé la coupure d'électricité observée la nuit de ce jeudi à vendredi presque dans toutes les localités de la zone Moussaga. Le corps sans vie de la victime a été dégagé vers 10h ce vendredi par les forces de l'ordre, selon toujours les sources sur place. Certains rapatriés de la commune et Provence Rumonge se lamentent que la Cour spéciale des terres et autres biens accuse une lenteur dans l'exécution des jugements rendus. Ils prennent pour exemple l'exécution d'un jugement dernièrement reporté à Karunda et cela à la dernière minute. Les envoyés de cette cour arguant que l'ordre de suspension est venu de leur supérieur. Pascal Ngendakourio, président de cette cour, reconnaît avoir ordonné cette suspension pour des raisons sécuritaires et promet de vider cette question en collaboration avec l'administration locale. Les précisions de notre correspondant Jean-Pierre Misako. Ceux qui dénoncent la lenteur de la Cour spéciale des terres et autres biens dans l'exécution des jugements rendus sont certains des rapatriés qui avaient accompagné l'un d'eux à Karunda dans l'exécution d'un jugement où il avait eu gain de cause pour une propriété foncière, une exécution qui était programmée pour ce 5 novembre courant, comme cela apparaît dans le contenu de la lettre du président de cette cour adressée au chef collinaire le 25 octobre dernier, avec copie pour information au gouverneur de Rumonge, administrateur communal de Rumonge et le commissaire communal de Rumonge. Bareke Segeche et ses compagnons disent avoir été surpris d'entendre des envoyés de cette cour déclarer sur place à Karunda que l'exécution en question venait d'être suspendue sur ordre de leur chef hiérarchique, brandissant un bordereau de versement de 3 millions de francs burundais équivalent à quelques infrastructures y ériger pour en être propriétaire. Bareke Segeche dénonce la lenteur de cette cour dans l'exécution de certains jugements rendus et voudrait être rétabli dans ses droits. Pascal Ngendakourio, président de cette cour, reconnaît avoir ordonné la suspension de l'exécution de ce jugement pour question sécuritaire. Il avait en effet eu écho d'une probable perturbation de la sécurité si cette exécution venait à être faite selon ses propos. Il rassure cependant que cette exécution aura bel et bien lieu en collaboration avec l'administration et les forces de l'ordre. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Puisque nous parlons justice, la peine à perpétuité, c'est la condamnation contre Hemedi Kassim, un jeune de 21 ans originaire du quartier Bouyenzi en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, dans un procès de flagrance tenu le soir de ce jeudi au tribunal de grande instance de Kayanza. Le prévenu qui a été capturé dans une attaque menée en commune Matongo le matin de mercredi est accusé par le ministère public d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de faire partie des groupes armés de détention illégale des armes à feu. L'accusé a plaidé coupable et après la mise en délibéré du procès, il a été condamné à une peine de prison à vie. Rappelons que dans ce que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a appelé démantèlement d'un groupe terroriste, il y a eu 3 morts et 1 capturé dans les rangs des assaillants. Deux fusils Kalachnikov et 8 chargeurs saisis. L'on a également déploré un administratif et un policier blessé par une grenade lancée par le groupe lors du contact. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro. La population de la mairie de Bujumbura n'adhère pas au programme prioritaire du gouvernement. Affirmation du ministre de l'Intérieur lors de la réunion ce mercredi avec les administratifs de la municipalité de Bujumbura. Gervain Ndirakobuca accuse l'administration à la base de ne pas servir d'exemple. Le ministre les appelle au changement de mentalité. On l'écoute. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que le gouvernement laborier a pris ses assises dans vos avenues? En tant que chef de quartier, est-ce que la population est satisfaite de vos services? Selon le rapport que détient le ministère de l'Intérieur, la population de la mairie de Bujumbura avoue que rien n'a changé au niveau des avenues et des quartiers. La population dit ne pas vivre des changements du gouvernement. Tous disent qu'ils sont malheureux à cause de vos actes. Vous êtes à combien ici qui ont plus d'une femme et combien qui ont des concubines? C'est ça qui est à l'origine des problèmes. Ce qui fait qu'avant de satisfaire les besoins de la population, vous demandez des points de vue. Ressaisissez-vous. Mais je vais vous informer que j'attends le rapport que j'ai commandé pour agir. Moi, je pense que ça ne sert à rien d'attendre d'être destitué. Démissionner, c'est une décision sage que je vous encourage de prendre lorsque vous voyez que les choses ne fonctionnent pas. Faites d'efforts vraiment pour satisfaire les besoins de la population. Le maire de la ville reçoit des téléphones chaque jour. Là, je ne dis pas les miens. L'administration à la base n'aide pas la population. Méfiez-vous de vos contrats de vente des parcelles que vous signez chaque jour. Je le répète, même vous les administrateurs qui apposent vos signatures sans faire des investigations sur ces parcelles, méfiez-vous de cela. Je vous exhorte, le changement est difficile, mais nous venons de passer une année et un trimestre de plus. Essayez de changer nos mentalités. Là, vous tenterez de changer en 2023 à la veille des élections, mais vous ne réussirez pas, car ils vous géreront de vos actes, ceux qui auront la chance d'y arriver. Parce que moi aussi, je vous ai à l'œil. C'était le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobuca, dans cette traduction de notre confrère de la télévision Isanganiro, Aaron. Et puisque nous parlons du ministre, le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobuca, rencontre en ce moment même les gouverneurs de province et les responsables des églises au chef-lieu de la province Kayanza. Eh bien, le ministre de l'Intérieur déclare que plus de 400 églises sur les 900 situées à mairie de Bujumbura ne remplissent pas les conditions d'être appelées ainsi. Appelé ainsi dans cette réunion, le ministre Gervain Ndirakobuca a en outre fait savoir que sur les 900, plus de 500 sont trop proches les unes des autres. Un mois après le transfert de certains commerçants du marché côté Bouvert, celui de Ngagara, ces derniers se plaignent de travailler à perte puisque certains de leurs collègues sont restés au marché côté Bou. Selon eux, la majorité de leur clientèle ne les a pas suivis, prétextant que c'est le marché côté Bou qui est le mieux achalandé. Ces commerçants demandent donc aux responsables de tout faire pour que tous ceux qui ont été semés de quitter le marché de côté Bou s'exécutent. Le commissaire du marché de Ngagara tranquillise et déclare que cette question est en train d'être résolue. Sheila Irambona. C'était 10h du matin lorsque nous sommes arrivés au marché de Ngagara, plus exactement à la place où se trouvent les commerçants venant du marché d'Ikotewu. Arrivés sur place, très peu de marchandises et de commerçants se remarquent. Ces derniers se plaignent que depuis qu'ils sont sur place, ils travaillent à perte. Ceci parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande de la clientèle, parce qu'ils sont en très petit nombre. Personne ne possède le capital qu'elle avait avant d'arriver ici. Elle a débuté avec 50 000 francs. Je suis persuadée que maintenant, elle en a 10. Par exemple, moi, je ne peux pas avoir de bénéfices car le marché ferme entre 9h et 10h. À midi, on cherche un endroit et on dort. Même celle qui veut rentrer, rentre à 15h. Imaginez-vous, étant parent, rentrer à 15h, les membres douillent. Ce n'est pas facile. Si nous analysons bien, les clients n'arrivent pas à avoir tous les condiments ici. Ils achètent les tomates ici et sont obligés d'aller acheter les poivrons et les aubergines au marché de côté. C'est pour cela que le marché ne fonctionne pas normalement, car les clients ne peuvent pas venir ici, rien que pour les tomates. Ils demandent aux responsables de les aider pour que ceux qui sont restés au marché Kotebu reviennent à Ngagara afin que le marché fonctionne normalement. Que tous ceux qui vendent leurs produits derrière le marché Kotebu reviennent ici, car normalement, les clients se rendent là où se trouvent les produits. Que tous ceux qui sont derrière aussi reviennent ici. Le mieux pour nous serait que toutes ces marchandises qui se trouvent derrière le marché Kotebu soient amenées ici pour que nous puissions écouler nos produits. Ce sont ces marchandises qui se trouvent au marché Kotebu qui empêchent ce marché de bien fonctionner. Nous sommes venus ici pour nous en laisser dans une mauvaise situation. Un appel également lancé par le président de l'association des commerçants du marché d'Ngagara. Que le maire de la ville, lui qui ne cesse de nous épauler, continue et qu'il nous ramène toutes ces marchandises qui se trouvent derrière le marché Kotebu. Comme cela, les gens vont trouver sur place tous les produits qu'ils veulent acheter. Le commissaire du marché de Ngagara indique qu'il est au courant de ce problème et tranquillise. La question est en train d'être résolue. Ces commerçants viennent de passer plus d'un mois dans ce marché de Ngagara. Sheila Irambona. Certains responsables des communes réclament des redevances de la part de la régie des eaux pour la pose de ces installations électriques. Et c'est au moment où les autres entreprises para-étatiques comme le fils du thé du Burundi OTB, Office pour le développement de la filière café ODK, payent des taxes aux communes. Ils ont dit cela ce jeudi dans un atelier sur la gestion des services publics de l'eau et de l'électricité. Un atelier organisé par l'autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie à Rennes. À la régie des eaux, l'on répond que c'est une question qui doit être traitée par les instances supérieures. Arthur Kavaouchi. La question qui est revenue à maintes reprises dans cet atelier est la taxe qui est payée dans les communes par les entreprises para-étatiques, mais que la régie des eaux ne paie pas. Pour cet administrateur de la commune Issale dans la province de Bujumbura, la régie des eaux leur prend de l'eau et leur laisse l'érosion. La régie des eaux est une société para-étatique, tout comme l'OTB et l'ODK. Sur un kilo de café ou de thé, il y a une somme à payer dans nos communes pour aider dans le développement des communes où ils cultivent ce thé ou ce café. Mais la régie des eaux nous prend l'eau et des fois, nous devons faire face à l'érosion à cause du captage V. Mais il n'est d'un rien dans le développement. Je souhaitais que ce soit V. Mais il n'est d'un rien dans le développement. Je souhaiterais que ce soit d'eau qu'ils ont fait développement. Je souhaiterais que ce soit mais V. Mais il n'est d'un rien dans le développement. Je souhaiterais que ce soit bien étudié et voir une somme à donner pour que là où ils captent l'eau, la population puisse aussi bénéficier de notre projet et dire qu'ils ont un beau partenaire. Pour cet autre responsable venu de la province Bujumbura, la commune devrait bénéficier sur la vente de l'électricité et de l'eau par la régie des eaux. Pour les activités qui se font dans les communes, qui produisent de l'électricité et de l'eau et qui sont commercialisées, je demanderai que la commune puisse bénéficier d'un certain pourcentage pour son développement. À cela, le chargé de la production de l'eau au sein de la régie des eaux souligne que le paiement de cette taxe est une question qui devrait être traitée au niveau supérieur. La régie des eaux couvre tout le territoire national et capte l'eau dans plusieurs communes du pays. Payer cette taxe serait un problème, mais c'est une des questions que vous posez et qui devrait être traitée au niveau supérieur et non à la régie des eaux. Ces administratifs communaux trouvent que les entreprises para-étatiques devraient payer la taxe sur les ventes pour apporter leur appui dans le développement des communes. Merci Arthur Kavabouchi. Infrastructure toujours, cette fois-ci à Tchankouzo, les collines de Michiha, Boussoumani, Kirehe, Ruguerero, en commune Michiha de la province Tchankouzo, manque d'eau potable. La population dit que pour avoir de l'eau propre, il faut effectuer de longues distances et payer une somme de 500 francs le bidon de 20 litres. Ceux qui n'ont pas d'argent pour s'en procurer sont condamnés à consommer de l'eau impropre des ruisseaux. L'administration de la commune Michiha dit faire des efforts pour réhabiliter certaines sources d'eau. mais demandent de l'aide aux ONG qui œuvrent dans leur circonscription, comme cela est en train d'être fait sur la colline Kibimba par l'ONG World Vision. Correspondance de Raymond Moudende. Les collines qui sont beaucoup plus en souffrance concernant le manque d'eau potable sont les collines de Mishiha, Kirehe, Busumani et Rugerero. Là, la population parle des efforts fournis pour avoir l'eau potable, car il faut effectuer de longues distances pour s'en procurer, tandis que d'autres se débrouillent pour creuser et puiser l'eau dans les digues. L'eau propre coûte énormément cher, car selon les témoignages de la localité, un bidon d'eau propre coûte entre 400 et 500 francs et ceux qui n'ont pas d'argent sont obligés de consommer l'eau impropre. Frédéric Nzoïsaba, l'administrateur de la commune Mishiha, confirme le témoignage de la population qui, d'ailleurs, ne cesse de demander à l'administration de faire le tout possible pour que les collines qui manquent d'eau potable en soient dotées. L'administrateur parle des efforts faits pour réhabiliter certaines sources d'eau, mais demande aux ONG qui œuvrent dans sa commune d'aider dans la distribution d'eau potable, comme l'ONG de Vigène est en train de le faire sur la colline Kibimba. Et sachez que cette colline vient d'être dotée des robinets d'eau potable il y a des semaines, œuvre louable de l'ONG de Vigène selon la population de la localité. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les abandons scolaires et la perte de capitaux sont certaines conséquences de l'arrêt de travail des femmes qui faisaient le commerce transfrontalier de la province de Cibitoke, mais qui l'ont cessé suite à la fermeture de la frontière de Roua à cause de la pandémie du coronavirus. Elles mènent une vie difficile et plaident pour sa réouverture. Karem Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, reconnaît ces faits et espère que le gouvernement prendra la mesure de réouvrir ses frontières si les cas de cette pandémie diminuent. On fait le point avec Lydie Gahimbare. Nous sommes au marché de Rugombo dans la province de Cibitoke, précisément dans un magasin des habits, des chaussures, des femmes qui font le commerce transfrontalier. Dans son magasin, nous y trouvons des femmes assises qui se lamentent de la fermeture de la frontière Loua. Elles déplorent la perte de leurs capitaux. Franchement, nous souffrons beaucoup. Depuis la fermeture de cette frontière, nous n'avons pas grand-chose à faire. La vie a tourné la page. Il y a même celles qui ont perdu leurs capitaux. Cela étant, essaient de se réorganiser pour continuer leurs activités et qu'elles travaillent à perte suite au long parcours qu'elles font pour dédouaner leurs marchandises à la frontière de Gatumba. Elles demandent la réouverture de la frontière de Loua. Au passant 1, Kaleme Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, reconnaît cette perte et espère que le gouvernement prendra une mesure d'ouverture si les cas de cette pandémie diminuent. Lorsque le gouvernement, parce que chaque fois on donne rapport que quand même au niveau de progression, de développement communal, ce qu'on recevait avant, on ne le voit pas pour le moment. Lorsque l'État va trouver que quand même maintenant on peut ouvrir notre poste pour que les gens de ce secteur puissent quand même faire aussi la commerce, je trouve que ce sera, la population sera heureuse parce qu'elles auront quand même l'occasion de faire ce commerce. Ces femmes demandent l'appui des banques dans les échanges des monnaies afin de faciliter le travail. Lydie Gahimbare, de retour de Cibitoke, 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et on termine ce journal en vous faisant écouter les avis de certains de nos auditeurs qui se réjouissent de nos programmes au moment où la radio que vous écoutez s'apprête à souffler le 18 du mois de novembre courant sa 19e bougie. Il l'encourage tout en lui demandant aussi de multiplier les émissions. Suivez-les. Nous l'encourageons. Ces émissions vraiment sont appréciables. Je l'écoute souvent, que ce soit les journaux, les émissions ainsi que les publicités. Nous sommes satisfaits des émissions de la radio Isanganiro. Mais moi, de ma part, je n'écoute pas régulièrement les journaux. Je dis félicitations à la radio Isanganiro. Et la désémission instructive. Nous demandons qu'elle puisse multiplier ses émissions.